Chapitre 171. Dire Allahu Akbar dans les montées et Subhanallah dans les descentes au cours des voyages sans toutefois élever la voix. 975. Jabir radiallahu anhu a dit: Dans les montées nous disions Allah est le plus grand, Allahu Akbar. Et dans les descentes, gloire à Allah, Subhanallah. Al-Bukhari. 976. Ibn Omar radiallahu anhuma a dit: Dans les pentes, le prophète alayhi salatu wassalam et ses armées disaient: Allah est le plus grand, Allahu Akbar. Et dans les descentes, gloire à Allah, Subhanallah. Abu Daoud. 977. D'après Ibn Omar radiallahu anhuma, lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam revenait du pèlerinage Hajj ou Umrah, chaque fois qu'il atteignait le haut d'une pente, il répétait trois fois « Allah est le plus grand, Allahu Akbar ». Puis ajoutait « Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul, sans associé. À lui la royauté et la louange, et il est capable de toutes choses. Nous voici de retour repentants, adorant notre Seigneur en nous prosternant devant lui et en le louant. Allah a accompli sa promesse, accordé la victoire à son serviteur et vaincu seul les coalisés. » لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده البخاري ومسلم. Dans une autre version de Muslim, de retour d'une expédition ou d'un pèlerinage, Hajj ou Umrah, etc. 978. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, un homme a dit « Ô messager d'Allah, j'ai l'intention d'entreprendre un voyage, alors conseille-moi. » Il dit, alayhi salatu wassalam, « Crains Allah et dis « Allah est le plus grand, Allahu Akbar, chaque fois que tu te trouves sur une hauteur. » Quand l'homme s'en alla, il ajouta, alayhi salatu wassalam, « Ô Allah, raccourcis-lui les distances et rends son voyage facile. » At-Tirmidhi a dit, « Hadith Hassan. » 979. Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, raconte. Nous étions en compagnie du prophète, alayhi salatu wassalam, en voyage. Lorsque nous atteignions le haut d'une vallée, nous commencions à dire à voix haute, « Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. La ilaha illallah. » Et « Allah est le plus grand. Allahu Akbar. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit alors, « Ô gens, allez-y doucement, car vous n'invoquez ni un sourd, ni un absent. Au contraire, il est avec vous, il entend tout et il est proche de vous. » Al-Bukhari et Muslim.